Galerie Est. Les persévères avaient bouché l'entrée, piégeant ainsi des milliers de rats dans la galerie avec pour seul échappatoire le grand trou. Mais pour nous aussi, c'était notre seule sortie possible. Mila, écoute-moi! Non, je veux pas! Je veux retourner au palais! Écoute-moi, Mila! Au palais! Écoute, Mila, les rats, ils sont derrière! Ouais, ils sont derrière, je peux te l'assurer! Et ils grimpent! Mila, avance! Moi aussi, je fais dans mon froc, mais c'est ça où on se fait bouffer! Oui, eh ben, non! Moi, je veux dormir au palais, retrouver mon père, être enfermé au palais! Oui, c'est ça! Ça m'est égal, finalement! Pourquoi j'ai voulu sortir de chez moi, hein? Tout ça, c'est de votre faute aussi! J'aurais jamais rien su sur les rats et je serais bien tranquille chez moi au palais, avec ma petite servante et tout plein de connétables qui me courtisent! Mila, Mila, je peux pas avancer, je... Oh, et puis merde! Je me suis ici à sa hauteur. Elle fermait les yeux. Bouze a grimpé un peu plus derrière moi. Faut se manier! Il faut vraiment se manier, là! Mila, regarde-moi! Non! Regarde-moi, je vais pas te laisser là, quand même, hein! Non, non, non! Alors on avance. On peut pas avancer sans toi. Je vais pas tomber. Tu promets? Si t'avances pas, c'est moi qui te fais tomber. Elle a ouvert les yeux. Il y brillait une sorte de colère. Tu parles à... À la fille du grand dirigeant. Je sais, mais pour les rats, tu n'es ni plus ni moins qu'une paille fouiche à croquer. Elle s'est décidée à avancer. La corde nous rappelait les mains, et le grand trou s'élargissait plus nous montions vers lui. Le grand plafond étoilé, des formes obscures glissant sur lui, et des milliards de petites torches lointaines, si lointaines. Et l'air, si présent. Les souffles d'air. Les poumons faillirent exploser. J'ai peur. L'air est si différent. Oh, j'ai plus trop envie de monter, moi, maintenant. On arrive bientôt au bord, on arrive bientôt et... Oui, non, aïe. J'ai glissé. Tombant sur Bouze, il a lâché prise lui aussi, mais un instant si bref qu'il a pu se rattraper aussitôt et me rattraper aussi. Je tiens! Oh ben dis-donc, c'est bien beau de jouer au héros si c'est pour risquer de nous faire tomber comme ça! Bouze me tenait par l'avant-bras. J'ai jeté un œil en bas. Wow! Me lâche pas! Me lâche pas! La corde serpentait dans l'air et en bas, grimpant sur les parois, les rats par milliers avançaient vers nous en grognant. Certains restaient en bas, attendant leur tour pour atteindre le grand trou. Qui allait nous manger en premier? Un seul rat se contenterait de nous trois, et encore, je suis sûr qu'il aura encore faim après ça. Je pouvais entrer tout entier dans la gueule d'un des plus gros sans qu'il n'ait besoin de me croquer. Je te remonte, bouge pas trop. Bouze se remit bien contre la corde. Je glissais. Tiens-moi bien! Tiens-moi bien! Je te tiens! Un rat a sauté d'une paroi pour se rattraper à la corde. J'ai failli lâcher prise à nouveau. Y'a un rat qui grimpe! Mila, continue à monter! D'accord! Mila arrivait en haut du grand trou. Plus que quelques centimètres pour elle et... la liberté... Le rat grimpait sur la corde en couinant. Attendez-moi, les gnomes, attendez-moi! Il monte! Il monte! Je te monte! T'inquiète pas, vieux! Bouze est là! Il m'a essayé de toute sa force. Je me suis enfin accroché à la corde. Passe devant! Merci, Bouze. On refait pareil. Oui, mais là, je serais de tomber avec toi. Eh oui! C'est là que je me dis que je devrais perdre du poids. Allez! J'ai continué à grimper. Le rat suivait de près. Il nous rattrapait, même. L'air se fit plus vif, plus frais, plus agressif aussi. Mila se hissa sur le bord du grand trou. Elle disparut, puis se pencha vers nous. J'y suis! J'y suis! C'est fabuleux, Squeak! Oh, ça a l'air si grand, c'est... J'arrivais à sa hauteur. Le rat se rapprochait, des milliers d'autres sur les parois lui emboîtaient le pas. Trois autres rats sautèrent sur la corde. J'arrivais au bord et... La corde, elle se déchirait sur la pierre. Le poids des rats allait la briser. Je me suis hissé sur le bord sans même regarder le monde autour de moi. Bouze, dépêche-toi! Allez, Bouze! Plus que quelques centimètres! J'en ris! Oh, c'est bon! Le rat se rapprochait. Bouze! Bouze m'a tendu la main. Nos doigts se sont effleurés. La corde se déchirait. Bouze! Allez, grave! La corde. Thank you. Bye, Fouiche.